I see à côté de toi au Walibi. Assis à côté de toi dans la toupie. Tu m'embrasses un peu partout, sur le front et sur les joues. Tes baisers volent partout comme une toupie. Assis à côté de toi au Walibi. Assis à côté de toi dans la toupie. Tu ne veux jamais m'embrasser, mais tu me fais espérer. Tu me fais tourner en bourrique comme une toupie. Assis à côté de toi au Walibi. Assis à côté de toi dans la toupie. Ton tour de taille hallucinant, tes sourires lancinants, tes jolies petites fesses qui tournent comme une toupie. Assis à côté de toi au Walibi. Assis à côté de toi dans la toupie. Tu joues avec mon amour, mais prends quand même un peu garde. Mon cœur tient en équilibre comme une toupie. Comme une toupie. Comme une toupie. Comme une toupie.